fais le back in town, c'est voilà, c'est histoire de, c'est une histoire de regret. Quelqu'un qui se dit qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai perdu du temps avec cette histoire-là. Puis la fille qui revient en ville et puis dégoûtée, qui veut s'en aller quoi. C'est celle-là avec l'accordéon. You. super lieu pour jouer. Et puis vous avez été un super public en plus. Merci Patrice, Jean-Baptiste, Caroline. C'était vraiment chouette, des belles rencontres en plus. J'ai des disques à vendre, c'est comme c'est des petits disques, je les vends pas cher, je les vends 5 euros, donc n'hésitez pas, même j'ai des petits stickers si vous voulez coller sur votre frigo. Voilà, enfin, dans tous les cas, n'hésitez pas à venir discuter. Vous payez un coup là après, comment ça se passe? Non? Oh là là! Bon, il recommence doucement les animations, il va expliquer. Il va falloir les soutenir, hein, parce que. Médiathèques font des animations si ça marche. Alors là, c'est bien déjà. Vous soyez nombreux aujourd'hui, c'est super. Merci beaucoup à vous. Je ne sais plus si je voulais dire des choses ou quoi. La dernière chanson s'appelle Milky Way. C'est une chanson qui parle de barres chocolatées. C'est Milky Way, ça veut dire la Voie lactée. Hein, donc, c'est mon fiston un jour qui m'a demandé qu'est-ce qu'on devenait quand on était mort. Donc la question difficile, bah, je lui ai dit bah écoute, on part dans les étoiles. Bon, hein. Puis il a continué de réfléchir et puis il m'a dit mais est-ce avant que je sois là, est-ce que j'étais déjà dans les étoiles? Voilà, j'ai trouvé ça vraiment chouette comme réflexion. Et donc je suis allé voir ma copine Anne et puis on s'est dit allez, on va partir de ça. J'étais sûr que tu venais des étoiles avant même qu'on rêve de toi. J'étais pas sûr de pouvoir t'apprendre à voler, mais je pourrais t'apprendre à sourire. J'étais pas sûr de pouvoir t'emmener sur la lune, mais je te promets, on y arrivera un jour. Et si tu fermes tes yeux, tu peux imaginer tout ce que tu veux. Là, souvent, cette chanson-là, on termine là-dessus et je demande aux gens de fermer les yeux. J'ai vu qu'il y en a qui ferment les yeux déjà, c'est cool. Voilà, je pense qu'on entend mieux la musique quand on ferme les yeux. On n'est pas perturbé par ce qui se passe autour. On peut éteindre la lumière, hein, quand ça se passe. On va tirer les go. Bon, la lumière va se rallumer, je serai nu. Bon là, ça a l'air compliqué. J'ai monté au troisième étage. Voilà, bah là, vous êtes obligé là. Si vous ne vouliez pas fermer les yeux, bah. Moi, je vais me mettre là-bas. Voilà, ça s'appelle Milky Way, elle est aussi sur le disque, celle-là. Moi, c'est ma préférée.